Le Prince de Nicolas Machiavel. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. Chapitre 8. De ceux qui sont devenus princes par des scélératesses. On peut encore devenir prince de deux manières qui ne tiennent entièrement ni à la fortune ni à la valeur, et que par conséquent il ne faut point passer sous silence. Il en est même une dont on pourrait parler plus longuement s'il s'agissait ici de république. Ces deux manières sont soit de s'élever au pouvoir souverain par la scélératesse et les forfaits, ou d'y être porté par la faveur de ses concitoyens. Pour faire connaître la première, qu'il n'est pas question d'examiner ici sous les rapports de la justice et de la morale, je me bornerai à citer deux exemples, l'un ancien, l'autre moderne, car il me semble qu'ils peuvent suffire pour quiconque se trouverait dans la nécessité de les imiter. Agathocle, Sicilien, parvint non seulement du rang de simple particulier, mais de l'état le plus abject, à être roi de Syracuse. Fils d'un potier, il se montra scélérat dans tous les degrés que parcourut sa fortune. Mais il joignit à sa scélératesse tant de force d'âme et de corps que, s'étant engagé dans la carrière militaire, il s'éleva de grade en grade jusqu'à la dignité de préteur de Syracuse. Parvenu à cette élévation, il voulut être prince, et même posséder par violence et sans en avoir obligation à personne, le pouvoir souverain qu'on avait consenti à lui accorder. Pour atteindre ce but, s'étant concerté avec Hamilcar, général carthaginois qui commandait une armée en Sicile, il convoqua un matin le peuple et le sénat de Syracuse comme pour délibérer sur des affaires qui concernaient la République. Et, à un signal donné, il fit massacrer par ses soldats tous les sénateurs et les citoyens les plus riches, après quoi il s'empara de la principauté qu'il conserva sans aucune contestation. Dans la suite, battu deux fois par les Carthaginois et enfin assiégé par eux dans Syracuse, non seulement il put la défendre, mais encore, laissant une partie de ses troupes pour soutenir le siège, il alla avec l'autre porter la guerre en Afrique, de sorte qu'en peu de temps, il sut forcer les Carthaginois à lever le siège et les réduire aux dernières extrémités. Ainsi furent-ils contraints à faire la paix avec lui, à lui abandonner la possession de la Sicile et à se contenter pour eux de celle de l'Afrique. Quiconque réfléchira sur la marche et les actions d'Agathocle n'y trouvera presque rien, si même il y trouve quelque chose qu'on puisse attribuer à la fortune. En effet, comme je viens de le dire, il s'éleva au pouvoir suprême non par la faveur, mais en passant par tous les grades militaires qu'il gagna successivement à force de travaux et de dangers. Et, quand il eut atteint ce pouvoir, il sut s'y maintenir par les résolutions les plus hardies et les plus périlleuses. Véritablement, on ne peut pas dire qu'il y ait de la valeur à massacrer ses concitoyens, à trahir ses amis, à être sans foi, sans pitié, sans religion. On peut, par de tels moyens, acquérir du pouvoir, mais non de la gloire. Mais si l'on considère avec quel courage Agathocle sut se précipiter dans les dangers et s'en sortir, avec quelle force d'âme il sut et souffrir et surmonter l'adversité, on ne voit pas pourquoi il devrait être placé au-dessous des meilleurs capitaines. On doit reconnaître seulement que sa cruauté, son inhumanité et ses nombreuses scélératesses ne permettent pas de le compter au nombre des grands hommes. Bornons-nous donc à conclure qu'on ne saurait attribuer à la fortune ni à la vertu l'élévation qu'il obtint sans l'une et sans l'autre. De notre temps, et pendant le règne d'Alexandre VI, Oliviero da Farmo, demeuré plusieurs années auparavant orphelin en bas âge, fut élevé par un oncle maternel nommé Jean Foliani et appliqué, dès sa première jeunesse, au métier des armes, sous la discipline de Paolo Vitelli, afin que, formé à une aussi bonne école, il put parvenir à un haut rang militaire. Après la mort de Paolo, il continua de servir sous Vitellozzo, frère de son premier maître. Bientôt, par son talent, sa force corporelle et son courage intrépide, il devint un des officiers les plus distingués de l'armée. Mais, comme il lui semblait qu'il y avait de la servilité à être sous les ordres et à la solde d'autrui, il forma le projet de se rendre maître de Fermo, tant avec l'aide de quelques citoyens qui préféraient l'esclavage à la liberté de leur patrie, qu'avec l'appui de Vitellozzo. Dans ce dessein, il écrivit à Jean Foliani qu'éloigné depuis bien des années de lui et de sa patrie, il voulait aller les revoir et en même temps reconnaître un peu son patrimoine, que d'ailleurs tous ses travaux, n'ayant pour objet que l'honneur, et désirant que ses concitoyens pussent voir qu'il n'avait pas employé le temps inutilement, il se proposait d'aller se montrer à eux avec une certaine pompe et accompagné de 100 hommes de ses amis et de ses domestiques à cheval, qu'en conséquence il le priait de bien vouloir faire en sorte que les habitants de Fermo lui fissent une réception honorable, d'autant que cela tournerait non seulement à sa propre gloire, mais encore à celle de lui, son oncle, dont il était l'élève. Jean Foliani ne manqua point de faire tout ce qu'il put pour obliger son neveu. Il le fit recevoir honorablement par les habitants, il le logea dans sa maison où, après quelques jours employés à faire les préparatifs nécessaires pour l'accomplissement de ses forfaits, Oliverotto donna un magnifique festin auquel il invita et Jean Foliani et les citoyens les plus distingués de Fermo. Après tous les services et les divertissements qui ont lieu dans de pareilles fêtes, il mit adroitement la conversation sur des sujets graves, parlant de la grandeur du pape Alexandre, de César, son fils, ainsi que de leurs entreprises. Jean Foliani et les autres ayant manifesté leur opinion sur ce sujet, il se leva tout à coup en disant que c'était là des objets à traiter dans un lieu plus retiré, et il passa dans une autre chambre où les convives le suivirent. Mais à peine furent-ils assis que des soldats, sortant de divers lieux secrets, les tuèrent tous, ainsi que Jean Foliani. Aussitôt après ce meurtre, Oliverotto monta à cheval, parcourut le pays et alla assiéger le magistrat suprême dans son palais, en sorte que la peur contraignit tout le monde à lui obéir et à former un gouvernement dont il se fit le prince. Du reste, tous ceux qui, par mécontentement, auraient pu lui nuire ayant été mis à mort, il consolida tellement son pouvoir par de nouvelles institutions civiles et militaires que, dans le cours de l'année durant laquelle il le conserva, non seulement il vécut en sûreté chez lui, mais encore il se rendit formidable à ses voisins. Et il n'eût pas été moins difficile à vaincre qu'Agathocle, s'il ne se fût pas laissé tromper par César Borgia et attiré à Sinigaglia, où, un an après le parricide qu'il avait commis, il fut pris avec les Orsini et les Vitelli, comme je l'ai dit ci-dessus, et étranglé, ainsi que Vitellozzo, son maître de guerre et de scélératesse. Quelqu'un pourra demander pourquoi Agathocle, ou quelque autre tyran semblable put, malgré une infinité de trahisons et de cruautés, vivre longtemps en sûreté dans sa patrie, se défendre contre ses ennemis extérieurs et n'avoir à combattre aucune conjuration formée par ses concitoyens, tandis que plusieurs autres, pour avoir été cruels, n'ont pu se maintenir ni en temps de guerre, ni en temps de paix. Je crois que la raison de cela est dans l'emploi bon ou mauvais des cruautés. Les cruautés sont bien employées, si toutefois le mot peut peut-être jamais appliquer à ce qui est mal, lorsqu'on les commet toutes à la fois par le besoin de pourvoir à sa sûreté, lorsqu'on n'y persiste pas, et qu'on les fait tourner, autant qu'il est possible, à l'avantage des sujets. Elles sont mal employées, au contraire, lorsque, peu nombreuses dans le principe, elles se multiplient avec le temps au lieu de cesser. Ceux qui en usent bien peuvent, comme Agathocle, avec l'aide de Dieu et des hommes, remédier aux conséquences. Mais pour ceux qui en usent mal, il leur est impossible de se maintenir. Sur cela, il est à observer que celui qui usurpe un état doit déterminer et exécuter tout d'un coup toutes les cruautés qu'il doit commettre pour qu'il n'y ait pas à y revenir tous les jours et qu'il puisse, en évitant de les renouveler, rassurer les esprits et les gagner par ses bienfaits. Celui qui, par timidité ou par de mauvais conseils, se conduit autrement, se trouve dans l'obligation d'avoir toujours le glaive en main, et il ne peut jamais compter sur ses sujets, tenus sans cesse dans l'inquiétude par des injures continuelles et récentes. Les cruautés doivent être commises toutes à la fois pour que, leur amertume se faisant moins sentir, elles irritent moins. Les bienfaits, au contraire, doivent se succéder lentement pour qu'ils soient savourés davantage. Sur toute chose, le prince doit se conduire envers ses sujets de telle manière qu'on ne le voit point varier selon les circonstances bonnes ou mauvaises. S'il a tant d'être contraint par la nécessité à faire le mal ou le bien, il arrivera, ou qu'il ne sera plus à temps de faire le mal, ou que le bien qu'il fera ne lui profitera point, car on le croira fait par force, et on ne lui en saura aucun gré. Chapitre 9. De la principauté civile. Parlons maintenant du particulier, devenu prince de sa patrie, non par la scélératesse ou par quelque violence atroce, mais par la faveur de ses concitoyens. C'est ce qu'on peut appeler principauté civile, à laquelle on parvient, non par la seule habileté, non par la seule vertu, mais plutôt par une adresse heureuse. À cet égard, je dis qu'on est élevé à cette sorte de principauté ou par la faveur du peuple ou par celle des grands. Dans tous les pays, en effet, on trouve deux dispositions d'esprit opposées. D'une part, le peuple ne veut être ni commandé ni opprimé par les grands. De l'autre, les grands désirent commander et opprimer le peuple. Et ces dispositions contraires produisent un de ces trois effets, ou la principauté, ou la liberté, ou la licence. La principauté peut être également l'ouvrage soit des grands, soit du peuple, selon ce que fait l'occasion. Quand les grands voient qu'ils ne peuvent résister au peuple, ils recourent au crédit, à l'ascendant de l'un d'entre eux, et ils le font prince pour pouvoir, à l'ombre de son autorité, satisfaire leurs désirs ambitieux. Et pareillement, quand le peuple ne peut résister au grand, il porte toute sa confiance vers un particulier, et il le fait prince, pour être défendu par sa puissance. Le prince, élevé par les grands, a plus de peine à se maintenir que celui qui a dû son élévation au peuple. Le premier, effectivement, se trouve entouré d'hommes qui se croient ses égaux et qu'en conséquence il ne peut ni commander ni manier à son gré. Le second, au contraire, se trouve seul à son rang et il n'a personne autour de lui, ou presque personne, qui ne soit disposé à lui obéir. De plus, il n'est guère possible de satisfaire les grands sans quelque injustice, sans quelque injure pour les autres. Mais il n'en est pas de même du peuple, dont le but est plus équitable que celui des grands. Ceux-ci veulent opprimer, et le peuple veut seulement ne point opprimer. Il est vrai que si le peuple devient ennemi, le prince ne peut s'en assurer, parce qu'il s'agit d'une trop grande multitude, tandis qu'au contraire la chose lui est très aisée à l'égard des grands, qui sont toujours en petit nombre. Mais au pis-aller, tout ce qu'il peut appréhender de la part du peuple, c'est d'en être abandonné, au lieu qu'il doit craindre encore que les grands n'agissent contre lui. Car, ayant plus de prévoyance et d'adresse, ils savent toujours se ménager de loin des moyens de salut, et ils cherchent à se mettre en faveur auprès du parti auquel ils comptent que demeurera la victoire. Observons au surplus que le peuple avec lequel le prince doit vivre est toujours le même, et qu'il ne peut le changer, mais que quant au grand, le changement est facile, qu'il peut chaque jour en faire, en défaire, qu'il peut, à son gré, ou accroître ou faire tomber leur crédit, sur quoi il peut être utile de donner ici quelques éclaircissements. Je dis donc que, par rapport au grand, il y a une première et principale distinction à faire entre ceux dont la conduite fait voir qu'ils attachent entièrement leur fortune à celle du prince et ceux qui agissent différemment. Les premiers doivent être honorés et chéris, pourvu qu'ils ne soient point enclins à la rapine. Quant aux autres, il faut distinguer encore. S'il en est qui agissent ainsi par faiblesse et manque naturel de courage, on peut les employer, surtout si, d'ailleurs, ils sont hommes de bon conseil, parce que le prince s'en est fait honneur dans les temps prospères et n'a rien à en craindre dans l'adversité. Mais pour ceux qui savent bien ce qu'ils font et qui sont déterminés par des vues ambitieuses, il est visible qu'ils pensent à eux plutôt qu'au prince. Il doit donc s'en défier et les regarder comme s'ils étaient ennemis déclarés, car, en cas d'adversité, ils aident infailliblement à sa ruine. Pour conclure, voici la conséquence de tout ce qui vient d'être dit. Celui qui devient prince par la faveur du peuple doit travailler à conserver son amitié, ce qui est facile puisque le peuple ne demande rien de plus que de n'être point opprimé. Quant à celui qui le devient par la faveur des grands, contre la volonté du peuple, il doit avant toute chose chercher à se l'attacher, et cela est facile encore puisqu'il lui suffit de le prendre sous sa protection. Alors même que le peuple lui deviendra plus soumis et plus dévoué que si la principauté avait été obtenue par sa faveur, car lorsque les hommes reçoivent quelque bien de la part de celui dont ils n'attendaient que du mal, ils en sont beaucoup plus reconnaissants. Du reste, le prince a plusieurs moyens de gagner l'affection du peuple, mais comme ces moyens varient suivant les circonstances, je ne m'y arrêterai point ici. Je répéterai seulement qu'il est d'une absolue nécessité qu'un prince possède l'amitié de son peuple, et que, s'il ne l'a pas, toute ressource lui manque dans l'adversité. Nabis, prince de Sparte, étant assiégé par toute la Grèce et par une armée romaine qui avait déjà remporté plusieurs victoires, pour résister et défendre sa patrie et son pouvoir contre de telles forces, n'eut à s'assurer, dans un si grand danger, que d'un bien petit nombre de personnes, ce qui sans doute eût été loin de lui suffire s'il avait eu contre lui l'inimitié du peuple. Qu'on ne m'objecte point le commun proverbe « qui se fonde sur le peuple se fonde sur la boue ». Cela est vrai pour un particulier qui compterait sur une telle base et qui se persuaderait que, s'il était opprimé par ses ennemis ou par les magistrats, le peuple embrasserait sa défense. Son espoir serait souvent déçu, comme le fut celui des Gracques à Rome et de Messire Giorgio Scali à Florence. Mais s'il s'agit d'un prince qui ait le droit de commander, qui soit un homme de cœur, qui ne se décourage point dans l'adversité, qui, d'ailleurs, n'ait point manqué de prendre les autres mesures convenables et qui sache, par sa fermeté, dominer ses sujets, celui-là ne se trouvera point déçu et il verra qu'en comptant sur le peuple, il s'était fondé sur une base très solide. Les princes dont il est question ne sont véritablement en danger que lorsque, d'un pouvoir civil, ils veulent faire un pouvoir absolu, soit qu'ils l'exercent par eux-mêmes, soit qu'ils l'exercent par l'organe des magistrats. Mais, dans ce dernier cas, ils se trouvent plus faibles et en plus grand péril parce qu'ils dépendent de la volonté des citoyens à qui les magistratures sont confiées et qui, surtout dans les temps d'adversité, peuvent très aisément détruire l'autorité du prince, soit en agissant contre lui, soit seulement en ne lui obéissant point. En vain ce prince voudrait-il alors reprendre pour lui seul l'exercice de son pouvoir, il ne serait plus temps, parce que les citoyens et les sujets, accoutumés à recevoir les ordres de la bouche des magistrats, ne seraient pas disposés, dans des moments critiques, à obéir à ceux qu'il donnerait lui-même. Aussi, dans ces temps incertains, aura-t-il toujours beaucoup de peine à trouver des amis auxquels il puisse se confier? Un tel prince, en effet, ne doit point se régler sur ce qui se passe dans les temps où règne la tranquillité, et lorsque les citoyens ont besoin de son autorité, alors tout le monde s'empresse, tout le monde se précipite et jure de mourir pour lui, tant que la mort ne se fait voir que dans l'éloignement. Mais dans le moment de l'adversité, et lorsqu'il a besoin de tous les citoyens, il n'en trouve que bien peu qui soient disposés à le défendre. C'est ce que lui montrerait l'expérience, mais cette expérience est d'autant plus dangereuse à tenter qu'elle ne peut être faite qu'une fois. Le prince doit donc, s'il est doué de quelque sagesse, imaginer et établir un système de gouvernement tel qu'en quelque temps que ce soit, et malgré toutes les circonstances, les citoyens aient besoin de lui. Alors il sera toujours certain de les trouver fidèles. Chapitre 10. Comment, dans toute espèce de principauté, on doit mesurer ses forces. En parlant des diverses sortes de principautés, il y a encore une autre chose à considérer, c'est de savoir si le prince a un état assez puissant pour pouvoir, au besoin, se défendre par lui-même, ou s'il se trouve toujours dans la nécessité d'être défendu par un autre. Pour rendre ma pensée plus claire, je regarde comme étant capables de se défendre par eux-mêmes les princes qui ont assez d'hommes et assez d'argent à leur disposition pour former une armée complète et livrer bataille à quiconque viendrait les attaquer. Et, au contraire, je regarde comme ayant toujours besoin du secours d'autrui ceux qui n'ont point les moyens de se battre en campagne contre l'ennemi et qui sont obligés de se réfugier dans l'enceinte de leurs murailles et de s'y défendre. J'ai déjà parlé des premiers, et dans la suite, je dirai encore quelques mots de ce qui doit leur arriver. Quant aux autres, tout ce que je puis avoir à leur dire, c'est de les exhorter à bien munir, à bien fortifier la ville où s'est établi le siège de leur puissance, et à ne faire aucun compte du reste du pays. Toutes les fois que le prince aura pourvu d'une manière vigoureuse à la défense de sa capitale et aura su gagner, par les autres actes de son gouvernement, l'affection de ses sujets, ainsi que je l'ai dit et que je le dirai encore, on ne l'attaquera qu'avec une grande circonspection, car les hommes, en général, n'aiment point les entreprises qui présentent de grandes difficultés, et il y en a sans doute beaucoup à attaquer un prince dont la ville est dans un état de défense respectable et qui n'est point haï de ses sujets. Les villes d'Allemagne jouissent d'une liberté très étendue, quoiqu'elles ne possèdent qu'un territoire très borné. Cependant, elles n'obéissent à l'empereur qu'autant qu'il leur plaît et ne craignent ni sa puissance ni celle d'aucun des autres états qui les entourent. C'est qu'elles sont fortifiées de manière que le siège qu'il faudrait entreprendre serait une opération difficile et dangereuse. C'est qu'elles sont toutes entourées de fossés et de bonnes murailles, et qu'elles ont une artillerie suffisante. C'est qu'elles renferment toujours dans les magasins publics des provisions d'aliments, de boissons, de combustibles pour une année. Elles ont même encore, pour faire subsister les gens du menu peuple, sans perte pour le public, des matières en assez grande quantité pour leur fournir du travail pendant toute une année dans le genre d'industrie et de métier dont ils s'occupent ordinairement, et qui fait la richesse et la vie du pays. De plus, elles maintiennent les exercices militaires en honneur, et elles ont sur cet article un grand nombre de règlements. Ainsi donc, un prince dont la ville est bien fortifiée et qui ne se fait point haïr de ses sujets ne doit pas craindre d'être attaqué. Et s'il l'était jamais, l'assaillant s'en retournerait avec honte, car les choses de ce monde sont variables. Et il n'est guère possible qu'un ennemi demeure campé toute une année avec ses troupes autour d'une place. Si l'on m'objectait que les habitants qui ont leur propriété au dehors ne les verraient point livrés aux flammes d'un œil tranquille, que l'ennui du siège et leur intérêt personnel ne les laisseraient pas beaucoup songer au prince, je répondrais qu'un prince puissant et courageux saura toujours surmonter ces difficultés, soit en faisant espérer à ses sujets que le mal ne sera pas de longue durée, soit en leur faisant craindre la cruauté de l'ennemi, soit en s'assurant avec prudence de ceux qu'il jugerait trop hardis. D'ailleurs, si l'ennemi brûle et ravage le pays, ce doit être naturellement au moment de son arrivée, c'est-à-dire dans le temps où les esprits sont encore tout échauffés et disposés à la défense. Le prince doit donc s'alarmer d'autant moins de cette circonstance que, lorsque ces mêmes esprits auront commencé à se refroidir, il se trouvera que le dommage a déjà été fait et souffert, qu'il n'y a plus de remède et que les habitants n'en deviendront que plus attachés à leur prince par la pensée qu'il leur est redevable de ce que leurs maisons ont été incendiées et leurs campagnes ravagées pour sa défense. Telle est, en effet, la nature des hommes, qu'ils s'attachent autant par les services qu'ils rendent que par ceux qu'ils reçoivent. Ainsi, tout bien considéré, on voit qu'il ne doit pas être difficile à un prince prudent, assiégé dans sa ville, d'inspirer de la fermeté aux habitants et de les maintenir dans cette disposition tant que les moyens de se nourrir et de se défendre ne leur manqueront pas. Chapitre 11. Des principautés ecclésiastiques. Il reste maintenant à parler des principautés ecclésiastiques par rapport auxquelles il n'y a de difficulté qu'à s'en mettre en possession. En effet, on les acquiert ou par la faveur de la fortune ou par l'ascendant de la vertu. Mais ensuite, on n'a besoin pour les conserver ni de l'une ni de l'autre, car les princes sont soutenus par les anciennes institutions religieuses, dont la puissance est si grande et la nature est telle qu'elles les maintiennent en pouvoir, de quelque manière qu'ils gouvernent et qu'ils se conduisent. Ces princes seuls ont des états, et ils ne les défendent point. Ils ont des sujets et ils ne les gouvernent point. Cependant leurs états, quoique non défendus, ne leur sont pas enlevés, et leurs sujets, quoique non gouvernés, ne s'en mettent point en peine et ne désirent ni ne peuvent se détacher d'eux. Ces principautés sont donc exemptes de périls et heureuses. Mais comme cela tient à des causes supérieures auxquelles l'esprit humain ne peut s'élever, je n'en parlerai point. C'est Dieu qui les élève et les maintient. Et l'homme qui entreprendrait d'en discourir serait coupable de présomption et de témérité. Cependant, si quelqu'un demande d'où vient que l'Église s'est élevée à tant de grandeur temporelle et que, tandis qu'avant Alexandre VI et jusqu'à lui, tous ceux qui avaient quelque puissance en Italie, et non seulement les princes, mais les moindres barons, les moindres seigneurs, redoutaient si peu son pouvoir. Quant au temporel, elle en est maintenant venue à faire trembler le roi de France, à le chasser d'Italie et à ruiner les Vénitiens. Bien que tout le monde en soit instruit, il ne me paraît pas inutile d'en rappeler ici jusqu'à un certain point le souvenir. Avant que le roi de France Charles VIII vînt en Italie, cette contrée se trouvait soumise à la domination du pape, des Vénitiens, du roi de Naples, du duc de Milan et des Florentins. Chacune de ces puissances avait à s'occuper de deux points principaux. L'un était de mettre obstacle à ce que quelque étranger portât ses armes dans l'Italie, l'autre d'empêcher qu'aucune d'entre elles agrandît ses états. Quant à ce second point, c'était surtout au pape et aux Vénitiens qu'on devait faire attention. Pour contenir ces derniers, il fallait que toutes les autres puissances demeurassent unies, comme il arriva lors de la défense de Ferrare. Et pour ceux qui regardent le pape, on se servait des barons de Rome qui, divisés en deux factions, à savoir celle des Orsini et celle des Colonna, excitaient continuellement des tumultes, avaient toujours les armes en main, sous les yeux même du pontife, et tenaient sans cesse son pouvoir faible et vacillant. Il y eut bien, de temps en temps, quelques papes résolus et courageux tels que Sixte IV, mais ils ne furent jamais ni assez habiles, ni assez heureux pour se délivrer du fâcheux embarras qu'ils avaient à souffrir. D'ailleurs, ils trouvaient un nouvel obstacle dans la brièveté de leur règne, car dans un intervalle de 10 ans, qui est le terme moyen de la durée des règnes des papes, il était à peine possible d'abattre entièrement l'une des factions qui divisaient Rome. Et si, par exemple, un pape avait abattu les Colonna, il survenait un autre pape qui les faisait revivre parce qu'il était ennemi des Orsini. Mais celui-ci, à son tour, n'avait pas le temps nécessaire pour détruire ces derniers. Voilà pourquoi l'Italie respectait si peu les forces temporelles du pape. Vint enfin Alexandre VI, qui, de tous les souverains pontifes qui aient jamais été, est celui qui a le mieux fait voir tout ce qu'un pape pouvait entreprendre pour s'agrandir avec les trésors et les armes de l'Église. Profitant de l'invasion des Français et se servant d'un instrument tel que le duc de Valentinois, il fit tout ce que j'ai raconté ci-dessus en parlant des actions de ce dernier. Il n'avait point sans doute en vue l'agrandissement de l'Église, mais bien celui du duc. Cependant, ces entreprises tournèrent au profit de l'Église qui, après sa mort et la ruine du duc, hérita du fruit de leurs travaux. Bientôt après régna Jules II, qui, trouvant que l'Église était puissante et maîtresse de toute la Romagne, que les barons avaient été détruits et leur faction anéantie par les rigueurs d'Alexandre, que d'ailleurs des moyens d'accumuler des richesses jusqu'alors inconnues avaient été introduits, non seulement voulut suivre ses traces, mais encore aller plus loin et se proposa d'acquérir Bologne, d'abattre les Vénitiens et de chasser les Français de l'Italie, entreprise dans lesquelles il réussit avec d'autant plus de gloire qu'il s'y était livré, non pour son intérêt personnel, mais pour celui de l'Église. Du reste, il sut contenir les partis des Colonna et des Orsini dans les bornes où Alexandre était parvenu à les réduire, et, bien qu'il restât encore entre eux quelques ferments de discorde, néanmoins ils durent demeurer tranquilles, d'abord parce que la grandeur de l'Église leur imposait, et en second lieu, parce qu'ils n'avaient point de cardinaux parmi eux. C'est aux cardinaux, en effet, qu'il faut attribuer les tumultes. Et les partis ne seront jamais tranquilles tant que les cardinaux y seront engagés. Ce sont eux qui fomentent les factions, soit dans Rome, soit au dehors, et qui forcent les barons à les soutenir, de sorte que les dissensions et les troubles qui éclatent entre ces derniers sont l'ouvrage de l'ambition des prélats. Voilà donc comment il est arrivé que le pape Léon X a trouvé la papauté toute puissante, et l'on doit espérer que si ses prédécesseurs l'ont agrandie par les armes, il la rendra encore par sa bonté et par toutes ses vertus beaucoup plus grande et plus vénérable.